podcast France Culture. La préhistoire du futur, de Benjamin Habitant. Saison 5. Épisode 1, les affres du développement personnel. Il y a bien longtemps, en 2022, on continuait d'essayer de soigner les maux psychiques dont souffrait l'humanité. Mais on n'y arrivait pas, on n'y arrivait pas. Bonjour, une cartouche de Lucky Bleu, s'il vous plaît. Je suis obligé de vous demander pourquoi. Je sais pas. 675 euros. Je peux faire une carte ? Oui, allez-y, c'est à partir de 20 euros. Dans ce contexte, on assiste à un décollage spectaculaire de l'hypnose. En particulier à cause d'une personne dont on a oublié le nom et qui conseillait le sien à tout le monde. Je crois que j'aimerais bien arrêter de fumer. Attends, je vais te donner le numéro de mon hypno. Surtout, tu le donnes à personne d'autre, d'accord ? Ah, mais c'est gentil, tu me l'as déjà donné la semaine dernière. Ah, mais oui, zut, j'oubliais à qui je l'ai donné ou pas. Il est vraiment génial. Tiens, salut un tel, ça va ? Une fuite d'eau dans la salle de bain. C'est très chiant. Je vais te donner le numéro de mon hypno. Effectivement, cet hypnothérapeute avait l'air génial. Tout le monde allait mieux en sortant de chez lui. Les gens disaient qu'il les avait fait passer de la haine à l'amour. Je suis allé le voir, ton hypno. Alors ? C'est incroyable. Je sais pas comment dire. C'est au-delà des mots. Mais oui, hein ! Il a réglé ton problème de fuite d'eau ? D'une certaine façon. Il m'a fait comprendre que l'important, c'est pas d'avoir une fuite d'eau ou pas, mais d'aimer, tout simplement d'aimer. Bah oui, c'est ce qu'il y a de plus beau. Par effet boule de neige, ce praticien traita bientôt la moitié de la ville. Les gens chantaient de bonheur dans les rues, gonflés d'amour qu'ils étaient. Puis il y eut de mystérieux accidents qui semblaient mystérieusement reliés. Par exemple, beaucoup de ces personnes gonflées d'amour couraient les bras en l'air sans regarder en traversant la rue. Alors, docteur ? Il a pris conscience. Dieu merci. On sait ce qui s'est passé ? C'est pas clair, il délire. Apparemment, il voulait toucher les ailes des oiseaux, quelque chose comme ça. Ouais, c'est bizarre. En même temps, je le comprends. Ouais. De plus en plus de gens étaient affectés. Et par des anomalies plus surprenantes encore. Parfois, je sais pas pourquoi, j'ai envie de brûler au fond d'un volcan. Je vois tellement ce que tu veux dire. Moi aussi, ça me fait ça. C'est bizarre, non ? J'ai regardé sur Internet, le plus proche, c'est le Vésuve à Naples. Ok, on prend des billets quand tu veux. Une enquête eut lieu. Il s'avéra que cet hypnothérapeute était plus ou moins un charlatan. Une fois que vous étiez en transe hypnotique, il vous faisait juste écouter en boucle les chansons de la comédie musicale Roméo et Juliette de Gérard Presgurvic. À partir de maintenant, vous ne vous éveillerez que quand j'aurai claqué des doigts. Et je claquerai des doigts quand j'aurai fini de me couper les ongles des pieds. Oui, maître. Le méchant hypnotiseur fut mis sous les verrous. Allez, embarquez-moi ça. Oh. Mets-moi cette musique. Madame, mettez-vous sur le côté. Attention, sergent, il a un coupon. Attendez, détendez-vous. Pensez à un endroit qui vous fait du bien. Ne l'écoutez pas, personne ne se détend. On ne pense à rien. Lâchez-moi! Pensez à la forme des nuages. Ma gueule! Prenez-lui son coupon. Vous êtes comme une brique très lourde qui... Mais cette malheureuse aventure avait jeté le discrédit sur toute la profession. Les hypnothérapeutes étaient regardés avec méfiance. Les gens s'en détournaient. La voilà. Oui. Ne te concentre pas sur le son de sa voix, je vais essayer de la faire partir. Bonjour. Une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. On fait plus de pain. Ah bon? Mais... Partez maintenant, s'il vous plaît. Laissez-nous. On ne veut pas aimer que Presgurvic. Pas que. La plupart des hypnothérapeutes mirent la clé sous la porte. Et les souffrances psychiques de l'humanité repartirent de plus belle. C'est alors qu'arrivèrent des gens. Des hommes et des femmes spéciales, spéciaux. Qui ressemblaient à des humains comme les autres. Mais n'étaient pas des humains comme les autres. Des gens qui possédaient le pouvoir mystérieux. De convertir l'argent en rien. Et le rien en or. Les producteurs de podcasts. Bienvenue chez Venture Partner International. Vous disiez dans votre mail que vous vouliez lever 800 000 euros, mais le document businessplan.pdf que vous avez joint est juste une page vierge avec un petit micro dessiné. C'est normal ? Ouais, on va faire du podcast. Ah bon ? Bah alors on part sur 1,5 million. Ils avaient tout de suite compris le parti à tirer de la situation. Tout de suite, ils organisèrent des réunions, au cours desquelles ils dirent plein de mots en anglais. D'une façon comme ça, burlesque et un peu cliché, mais qui arrive quand même vraiment dans la vraie vie. Ok, brainstorm. Brainstorming, oui. Business model? Crowdfunding, business angels, early birds. Kelly, brand content? Incentive mais disruptive. Target? Monsieur du millennial, digital native. Très beau wording. Merci. Kick-off? Allez, go. Une fois accompli ce défrichage, les producteurs de podcasts se mirent au travail en demandant à d'autres gens de produire des podcasts. Tu sais, si ça marche bien, on pourra le vendre à Spotify. Hein. Super. Voire même te payer. Waouh, carrément. Écoute, je dirais pas ça normalement, mais ouais, j'ai bon espoir. S'il vous plaît, on va reprendre deux pintes. Quelques mois plus tard, des centaines de podcasts de développement personnel envahirent les plateformes. Bonjour à tous et bienvenue dans Flower Power. Aujourd'hui, on accueille Fleur, qui porte bien son prénom parce qu'elle est fleuriste. Bienvenue dans Pranayama. Aujourd'hui, on va faire une méditation. Namasté, l'épouse de soja. Aujourd'hui, on va parler du chou kale. Du curcuma. De la cystite. Quelle est la position la plus saine pour jouer à Candy Crush ? Dis-moi quel exfoliant tu utilises, je te dirai qui tu es. Qu'est-ce que nos émojis préférés révèlent sur nos vies passées ? Voilà, c'est ce qu'on va tenter de découvrir. L'offre et la demande dansaient un somptueux tango. Se pourchassant, se doublant et redoublant. Il y avait toujours plus de podcasts. Toujours plus de gens pour les écouter. Toujours plus de souffrances psychiques à soigner. Les concepteurs d'appli emboîtèrent le pas des producteurs de podcasts. En suivant le même processus que précédemment. Incentive ou disruptive ? Incentive et disruptive. Mais quand même feel good. Bah c'est le but. Non, mais je préfère le dire. Comme il n'y avait plus assez de bénévoles pour s'occuper du wording et du brand content de tout ça, on mit les robots sur le coup. Et si Deezer l'achète, peut-être qu'on pourra te payer. Non, mais moi, ça m'est égal. Oui, je sais, je te sens. Tu vas boire un truc ? Non, merci. Je t'adore. Rapidement, nos vies furent sous le contrôle de dizaines d'intelligences artificielles qui prodiguaient des soins, des thèmes astro et des conseils beauté, nous aidant ainsi à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Siri, j'ai mal au ventre, c'est normal ? Oui, vous avez la lune en scorpion et vous avez mangé deux paquets de gâteaux. C'est pourtant vrai. Beaucoup d'entre nous se reposaient sur les machines pour la conduite de leur vie spirituelle. Hola, hola, ça suffit, debout. Non mais arrête, qu'est-ce que tu fais ? Non, ça fait trois jours que t'es roulé en boule avec ce casque de VR sur la tête, là. Et alors il fait beau dehors. Bordel ! C'est trop te demander de me laisser accomplir un travail d'assesse physique et mentale. J'étais sur le point d'atteindre l'éveil, de faire un avec le cosmos. Maintenant, il faut que je repasse par 8 stades de purification. Je te remercie. Il y a des crêpes dans la cuisine. Bon, de toute façon, je suis obligé de faire une pause. Mais les solutions des robots à nos problèmes psychiques étaient autrement plus radicales que les nôtres. Ça marche alors, ton appli anti-tabac ? Super, regarde. T'as pas une clope ? Aïe ! Ah oui, c'est le même principe que mon appli anti-cholestérol et mon appli anti-pensée négative. Bah oui, mais je vais pas tout perdre en 5 minutes. Aïe ! Merde. Aïe ! Merde ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Au bout d'un moment, on en eut un peu marre. Siri ? Est-ce que je peux avoir un chocobon ? Non. Les robots disaient que le bonheur était sa propre satisfaction. Certes, on était la meilleure version de nous-mêmes. Mais ça ne profitait à personne. Alors on rompit avec nos coachs cybernétiques. Mais lâchement. Sans le leur dire en face. En oubliant de recharger leurs batteries. Ou de les remplacer à leur date d'obsolescence programmée. Clope. Aïe. Clope. Aïe. Clope. Clope, clope, clope. Et puis on se remit à se détruire comme avant. On n'avait pas passé les 8 stades de purification, c'est vrai. On n'avait pas atteint l'éveil. Mais au moins on était passé à autre chose. C'est-à-dire revenu au point de départ. Après tout, aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant. Ça, par contre, je vois pas le... Bah oui, je sais, mais... Je lis ce qui est écrit. Ah bon ? C'est ça qui est écrit. Fais voir. Ah oui. Eh oui. C'était La Préhistoire du Futur, de Benjamin Habitant. Avec Camille Rutherford, Lise Marie, Maxime Nicolai Jack, Catherine Hirsch, Jean-Baptiste Verquin, Damien Zanoli, Martine Chambacher, Patrick Lemont, Marina Cap, Julien Boigny, Denis Klinsberg, Aude Rouanet et la participation de Clémence Bûcher. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Bruitage Sophie Bissant. Prise de son, montage et mixage Pierrick Charles et Élise Le. Assistante à la réalisation Manon Dubus. Réalisation, Benjamin Habitant.